chez dans la chambre dans le brouillard. Une voix pour salut, moi des temps de masquer. Qui chaque jour démarre, et qui m'est humilié. Des montagnes dissides et spécifiques. Les alliances d'otages dans la guérilla. Ils ont la tente, les méchants sont américains. La sélection proclame la basta. Des croyances de tunnels l'ont pas foué. La culture indigène est menacée. C'est au nom de la culture ancestrale que le sang d'usage devient le pouvoir central. La justice triomphera.